FrenchPod.com. Allô? J'aimerais avoir un rendez-vous avec le docteur Montagnier, s'il vous plaît. Comment? Je vous entends très mal. En début ou en fin de semaine? En fin de semaine, si c'est possible. Pardon? Le matin ou l'après-midi? Ça m'est égal. Vendredi, à 15h, pas de problème. Non, attendez, je ne peux pas. J'ai déjà rendez-vous chez le dentiste. Jeudi, 18h? Oui, c'est parfait.